professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici conviés comme chaque jour de cette semaine au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quels ont été les trois duels politiques du journaliste Armand Carrel, demande Antoine Compagnon. Comment pouvait-il concevoir le duel comme un prolongement de la liberté d'expression, un acquis de la démocratie, alors que la monarchie de Juillet procède à des arrestations préventives pour contrer la vague de duels fatales opposant carlistes et républicains en 1833. Et quelle a été la querelle des responsabilités? Celle d'Armand Carrel à la tête du journal indépendant Le National étant dénoncée, suite au duel entre les deux députés, le général Bugeaud et le député Dulon, qui perdit la vie en janvier 1834. Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, poursuit la série inaugurée en 2017 autour de la littérature comme sport de combat. Nous voici au quatrième cours consacré au grand tribun républicain Armand Carrel. Antoine Compagnon, explorant la figure du soldat des lettres, incarné chez Carrel, avait repris à l'issue du premier cours la formule de Sainte-Beuve et que je cite à nouveau. Carrel était fait pour devenir un des généraux remarquables de la République et de l'Empire. Il s'est retrouvé journaliste tout en restant sous-lieutenant. C'est cette alliance de l'épée et de la plume d'acier qu'il ne cesse d'interroger que nous retrouvons aujourd'hui et demain avec la question du duel de mots qui se prolonge sur le précaré où l'on se rencontre. Nous avions laissé hier notre fervent défenseur de la liberté emprisonné à Sainte-Pélagie pour délit de presse. Nous le retrouvons ce matin visité par Chateaubriand, dont Antoine Compagnon analyse sinon les signes d'amitié réciproque entre les deux adversaires politiques, sinon les signes d'un Carrel, fils spirituel de Chateaubriand. Et je cite l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe après le décès de son ami. « Depuis 1832, je n'ai cessé d'avoir des rapports avec Carrel jusqu'au jour où je l'ai suivi au cimetière de Saint-Mandé. » Armand Carrel était triste. Il commençait à craindre que les Français ne fussent pas capables d'un sentiment raisonnable de liberté. Il avait je ne sais quel pressentiment de la brièveté de sa vie, comme une chose sur laquelle il ne comptait pas et à laquelle il n'attachait aucun prix. Il était toujours prêt à risquer cette vie sur un coup de dé. Et ce sont de belles et passionnantes citations des Mémoires d'Outre-Tombe que nous allons encore retrouver aujourd'hui dans le sillage d'Armand Carrel. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France les 13 et 20 février 2018 pour le cours d'Antoine Compagnon, aujourd'hui, la salutaire prévoyance du duel. Ce sont aux visites de Chateaubriand que je voudrais maintenant consacrer un moment. Chateaubriand lui rend visite à Sainte-Pélagie. Ils se connaissent depuis quelques années, j'ai déjà parlé de leur rapport d'assez grande proximité depuis 1831, hein, grande familiarité, et aux yeux de Chateaubriand, ce jeune homme triste, mélancolique, est véritablement un héros romantique. Voici ce que dit d'ailleurs de lui Lord Brougham, puisqu'il parle de... Il rencontre dans l'Edinburgh Review, un peu plus tard, du... Congrès de Vérone. Et dans le Congrès de Vérone, publié en 1838, eh bien, Chateaubriand évoque sa réconciliation avec Carrel. Et voici ce que dit Lord Brougham dans ce compte-rendu. « He appears to have been the friend of Mr. Carrel. » Vous voyez que Lord Brougham admire lui aussi Carrel, « whose sterling honesty was only exceeded by his brilliant talents. Son honnêteté pure et ses grands talents, and whose untimely loss every friend of freedom has deplored. Une lettre admirable de Carrel est donnée dans le Congrès de Vérone, montrant the footing on which these eminent men were, eh bien le niveau des relations entre ces deux hommes. Carrel est donc tout à fait, comment dire, sur ce pied d'égalité avec Chateaubriand dans cette période, et voici ce qu'il écrivait à Chateaubriand à la veille de se rendre en prison. Il est revenu de Londres, il a trouvé une lettre de Chateaubriand qui le félicitait pour avoir défendu la liberté de la presse, et il se rend en prison. Donc les rapports sont très réguliers. Voici ce qu'il écrit à Chateaubriand. « Me voici condamné à 6 mois de prison par la magistrature pour un délit imaginaire en vertu d'une législation également imaginaire. Ces comptes rendus infidèles des audiences des tribunaux, parce que le jury m'a sciemment renvoyé impuni, le jury qui l'acquitte toujours lorsqu'il est accusé d'offense au roi, impuni sur l'accusation la plus fondée après une défense qui, loin d'atténuer mon crime de vérité, avait aggravé ce crime en l'érigeant en droit acquis par toute la presse de l'opposition. Je suis heureux que les difficultés d'une thèse si hardie par le temps qui court, cette thèse de la liberté de la presse, vous est paru à peu près surmonté par la défense que vous avez lue et dans laquelle il m'a été si avantageux de pouvoir invoquer l'autorité du livre dans lequel vous instruisiez, il y a 18 ans, votre propre parti des principes de la responsabilité constitutionnelle. » Donc allusion au pamphlet de Chateaubriand de la monarchie selon la charte de 1816, premier pamphlet en faveur de la liberté de la presse. C'est une longue lettre de Carrel, qui véritablement se situe en héritier de Chateaubriand. Vous demandez la liberté de discussion pour le bien commun, et donc non pas pour un parti, pour votre parti, l'arme et la protection générale de toutes les idées vieilles ou jeunes. C'est là ce qui vous a mérité, monsieur, la reconnaissance et les respects des opinions auxquelles la Révolution de juillet a ouvert une lice nouvelle. C'est pour cela que notre œuvre se rattache à la vôtre, et lorsque nous citons vos écrits, c'est moins comme admirateur du talent incomparable qui les a produits que comme aspirant à continuer de loin la même tâche, jeune soldat d'une cause dont vous êtes le vétéran le plus glorieux. Bon, je crois que c'est un assez beau passage de Carrel qui nous montre cette fidélité du républicain, encore une fois, un républicain d'ordre, à la tradition de cette liberté de la presse qui a été celle de Chateaubriand sous la Restauration et cette volonté d'établir le gouvernement de la discussion, comme dit Carrel à différentes reprises. Chateaubriand lui répond en disant « La République est la plus belle de vos chimères. » Ce Chateaubriand que Carrel voudrait faire aller jusqu'à la République, en qui il voit une sorte de précurseur de cette République. Eh bien, quand Carrel séjourne à Sainte-Pélagie, Chateaubriand lui rend visite, dit-il dans les mémoires d'outre-tombe, 2 ou 3 fois par semaine. Monsieur Carrel fut enfermé à Sainte-Pélagie, j'allais le voir 2 ou 3 fois par semaine. Vous vous souvenez qu'il habitait l'infirmerie Marie-Thérèse, rue d'Enfer, aujourd'hui Port-Royal, l'hôpital de Port-Royal, et qu'il se rendait donc au Jardin des Plantes. Je le trouvais debout derrière la grille de sa fenêtre. Il me rappelait son voisin, un jeune lion d'Afrique, au Jardin des Plantes, juste à côté, au Jardin des Plantes, immobile au barreau de sa loge, le fils du désert laissait errer son regard vague et triste sur les objets du dehors. On voyait qu'il ne vivrait pas. Le fils du désert, c'est le lion du Jardin des Plantes, mais c'est Carrel, puisque Chateaubriand se souvient toujours de la guérilla de Carrel en 1823 en Catalogne contre l'armée française. Ensuite, nous descendions, M. Carrel et moi, le serviteur de Henri V, se promener avec l'ennemi des rois dans une cour humide, sombre, étroite, encerclée de hauts murs comme un puits. Et c'est bien entendu une image qui plaît beaucoup à Chateaubriand que cette alliance avec Carrel, cette amitié des loyaux adversaires, hein, des loyaux adversaires politiques et militaires, puisqu'ils ont été adversaires dans la guerre d'Espagne en 1823. Et je crois qu'on a là l'expression du respect de Chateaubriand pour Carrel, un respect qui est lié à ses débuts militaires, à ses duels aussi, et bien sûr, c'est écrit dans les mémoires d'Outre-Tombe, après la mort de Carrel dans un duel en 1836, à laquelle je viendrai dans un moment. Il y a de longues pages hein, de Chateaubriand sur ses visites à Carrel à Sainte-Pélagie. D'autres républicains, vous voyez, il est opposé aux républicains extrémistes. D'autres républicains se promenaient aussi dans cette cour, ces jeunes et ardents révolutionnaires de 20 ans, à moustache, à barbe, aux cheveux longs, aux bonnets teutons ou grecs, au visage pâle, au regard âpre, à l'aspect menaçant, avaient l'air de ces âmes préexistantes aux Tartares avant d'être parvenues à la lumière. Le soir, ils se rassemblaient dans la chambre de leur chef, Armand Carrel. Bon, j'ai signalé les conflits assez forts qu'il y avait entre Armand Carrel, bourgeois républicain, républicain d'ordre, et ses émeutiers d'avril. Mais Chateaubriand poursuit ainsi, le séjour à Sainte-Pélagie fit du mal à Carrel, enfermé avec des têtes ardentes. Il combattait leurs idées, les gourmandait, les bravait comme une troupe mutinée, refusait noblement d'illuminer le 21 janvier. Vous vous rappelez le passage des mémoires du préfet de police, le préfet de police qui avait dû sauver Carrel lorsque les révolutionnaires républicains voulaient le mettre à la lanterne parce qu'il refusait d'illuminer le 21 janvier pour célébrer la mort du roi. Mais en même temps, il s'irritait des souffrances et sa raison était ébranlée par les sophismes du meurtre qui retentissaient à ses oreilles. Bon, y eut-il, comme Chateaubriand le suggère, une radicalisation de Carrel en prison? Je ne le crois pas, mais l'article qui a déclenché la colère de la Chambre des Pairs est tout de même le plus extrême qu'il ait écrit. En tout cas, nous trouvons ici, je crois, le témoignage d'une vraie amitié entre Chateaubriand et Carrel, et je ne suivrai pas l'avis de Sainte-Beuve, Sainte-Beuve qui est toujours plein de piques à l'égard de tous, y compris de Carrel, avec lequel il a collaboré au National, qui dit ceci de cette amitié entre Carrel et Chateaubriand, cette amitié qui ne le convainc pas, au fond. Voici ce qu'il en dit après la mort de Carrel et de Chateaubriand. Chateaubriand le savait bien. Il admirait beaucoup Carrel. Ils étaient unis tous deux, mieux que par la haine qu'ils portaient à la même dynastie. Ce qu'il y avait de valeureux et de chevaleresque en tous deux était un attrait, un lien. Mais on peut croire que Chateaubriand eût moins loué Carrel écrivain si celui-ci eût eu dans le talent quelque chose de cet éclat particulier qui, de loin, signalait aux yeux l'épée de Roland dès qu'elle apparaissait dans la mêlée. L'épée de Roland. L'épée de Roland, c'est l'image que Sainte-Beuve utilise conventionnellement pour désigner le style de Chateaubriand. Sa plume est comme l'épée de Roland. et que ça nous ramène à cette image de la plume et de l'épée qui est au fond de toute cette série de leçons. Sainte-Beuve répète toujours « La plume de Chateaubriand est comme l'épée de Roland, d'où jaillit l'éclair. C'est l'épée de Roland qui frappe fort. Cela revient partout. » Mais vous voyez que, selon Sainte-Beuve, l'épée de Carrel n'est pas une épée de Roland. Au fond, ce n'est qu'un second couteau aux yeux de Sainte-Beuve. Il me semble que c'est un peu injuste, car Carrel est bien le fils spirituel, le héros romantique, classique par ses goûts, mais romantique par sa vie. Et l'admiration de Carrel pour Chateaubriand porte sur cette guerre qui a redonné de l'éclat au début de la Restauration. Et l'admiration de Chateaubriand pour Carrel porte aussi sur cette guerre. Il y a bien dans le style de Carrel quelque chose de Chateaubriand. Et Stendhal le reconnaît, puisque dans Lucien Leven, où je vous ai dit que Carrel est constamment présent dans Lucien Leven à travers toute l'histoire du personnage. Lorsque Lucien Leven lit Le National, ce n'est pas mal, dit-il. Il écrit bien. Et la réplique de l'ennemi est celle-ci. Quelle plate imitation de Monsieur de Chateaubriand. Donc les adversaires de Carrel, c'est bien de cette manière qu'ils ont caractérisé le style de Carrel comme du mauvais Chateaubriand. Je n'ai encore rien dit d'Armand Carrel duelliste, et c'est donc à cet aspect des choses que je voudrais consacrer l'heure d'aujourd'hui, puisqu'il est sans doute l'un des journalistes écrivains les plus célèbres tués au cours d'un duel, ou à la suite d'un duel plutôt, en juillet 1836. Et c'était un duel avec Émile de Girardin, autre grand journaliste. C'est un duel qui a donc une importance considérable dans l'histoire de la presse. Voilà deux grands journalistes, deux patrons de presse, le patron du National et le patron de la presse, précisément. Carrel est donc l'un des duellistes les plus connus de ce milieu du XIXe siècle, Monarchie de Juillet et la suite. Et c'est sans doute lié à ce tempérament militaire. Nisard, qui, je l'ai dit, avait été son ami avant de passer à la solde du régime, évoque à sa mort ce qu'il appelle sa susceptibilité militaire et son gaspillage soldatesque d'un grand courage. Il est donc partout décrit comme ce soldat des lettres. Et Nisard ajoute encore, il était resté en toute chose officier, c'était un militaire en habit bourgeois. Et il ne quittera donc jamais ses mœurs en tant que journaliste et homme de plume. Entre parenthèses, c'est un cliché que l'on retrouve dans Lucien Leven. Et je vous ai dit déjà combien Lucien Leven, qui est écrit par Stendhal dans ses années 1834-1835, exactement au moment où la carrière de Carrel est à son sommet, je vous ai dit combien on retrouvait dans Lucien Leven tous ces aspects de l'actualité de la presse. Et c'est un cliché que Stendhal reproduit à propos de Lucien Leven. Voici Koff, qui est le compagnon de Lucien, un ancien polytechnicien lui aussi, trouva que le ton de Leven était froid, simple, militaire, un peu goguenard. Il est singulier, pensa Koff, combien l'habit militaire a besoin de peu de temps pour s'incruster dans le caractère du Français qui le porte. Voilà ce bon enfant, au fond, qui a été soldat, et quel soldat, pendant 10 mois, et toute sa vie, sa jambe, son bras, diront « je suis militaire ». Il est un militaire pour toujours de cette courte expérience qui a été la sienne. Et cela le mène à un certain nombre de duels au cours de sa carrière. J'ai tout de même déjà évoqué ce qui a l'air d'être son premier duel, qui est un duel non pas d'homme de plume, mais c'est un duel d'officier à la suite de l'adultère, puisqu'il a pour maîtresse la femme de son capitaine, hein, qui restera sa compagne jusqu'à sa mort. Il a un duel avec le mari offensé en 1823, juste avant de quitter l'armée et d'aller se battre en Espagne contre l'armée française. Il est aussi un apologiste du duel. Et la question du duel, on l'avait évoquée l'année passée, est très fortement dans l'actualité, dans ces années du début de la monarchie de Juillet. Vous vous souvenez peut-être que j'avais évoqué l'an dernier ce projet de loi de 1829-1830. Il y avait un projet de loi sur le duel qui avait été approuvé par le Sénat, mais qui n'a pas eu le temps d'être voté par la Chambre des députés avant la révolution de juillet 1830. Et le duel sera, comment dire, plus ou moins bien contrôlé juste après la mort de Carrel, à partir de juin 1837, donc un an après sa mort. Et j'avais évoqué l'année passée le rôle joué par Dupin, qui est le président de la Chambre des députés, qui est le procureur général près la Cour de cassation, qui obtient un arrêt de la Cour de cassation en juin 1837 qui remet le duel dans le droit commun. Si un duelliste tue son adversaire, c'est considéré comme un homicide. Et donc, il peut être poursuivi par la justice. Et je vous avais expliqué que c'était facilité par le fait qu'avait été introduite la notion de circonstances atténuantes dans le droit en 1832. Autrement dit, si on tue quelqu'un en duel, on peut invoquer les circonstances atténuantes et ne pas le condamner aux travaux forcés à perpétuité. Cela dit, malgré l'arrêt de la Cour de cassation, personne ne sera condamné par la suite pour avoir causé la mort de son adversaire dans un duel. Il y aura toujours une résistance. Et Carrel est de ceux qui, dans ces années 1830, à sa mort, 1836, sont partisans du duel. La première circonstance, c'est un duel qui a lieu en janvier 1834, donc c'est vraiment le sommet de sa réputation, et c'est un duel entre deux députés. On avait déjà vu l'an dernier ces duels entre députés, hein, qui prouvent combien la justice a du mal à contrôler les duels, si même les députés se battent en duel. C'est un duel entre François-Charles Dulon, qui est un jeune avocat député républicain de l'heure, et quelqu'un qui n'est autre que le général Bugeaud. Le général Bugeaud a été offensé par le jeune Dulon à l'Assemblée nationale lors d'un débat qui portait sur l'obéissance dans l'armée. Et Dulon a demandé au général, voici le général Bugeaud, caricaturé par la caricature à cette époque-là, a demandé au général si la soumission du militaire devait aller jusqu'à lui faire accepter le métier de geôlier. Et vous vous souvenez que Bugeaud est le geôlier de la duchesse de Berry, puisqu'elle a été enfermée une fois trouvée dans son expédition de Provence et de Vendée, une fois découverte, elle a été en captivité dans la citadelle de Blé. Et c'est Bugeaud qui est le commandant de la citadelle. C'est pourquoi vous voyez Blé ici, avec la clé, pour montrer qu'il lui collera toujours la réputation de geôlier. Et puis, il a le sabot et l'éperon. Et il a le pistolet avec lequel il a tué le député Dulon. Vous voyez que c'est en 1834-1835, avant ces lois de septembre 1835 qui vont interdire toutes ces caricatures en les soumettant à la censure préalable. Donc Dulong lui a demandé si la soumission du militaire devait aller jusqu'à lui faire accepter le métier de geôlier. L'offense était personnelle, un duel qu'on avait cru pouvoir éviter devint inévitable. Et ici, je cite Rémusat. C'est dans les mémoires de Rémusat qu'on trouve ceci. Un duel qu'on avait cru pouvoir éviter devint inévitable grâce à l'intervention de Carrel qui s'opposa aux explications accordées par Dulong et qui portait dans ces sortes d'affaires une raideur pointilleuse, donc Carrel, peu digne de son esprit et que Sainte-Beuve a parfaitement décrite dans son portrait de Carrel. Donc vous voyez que Rémusat attribue la responsabilité de la mort de ce pauvre jeune député, mis à mort par Bugeaud, à Carrel et à cette raideur pointilleuse. Le duel a eu lieu donc le 29 janvier 1834. Dulong est mort le lendemain. C'était le fils naturel de Dupont de l'Eure, grand républicain, qui a démissionné de la Chambre à la suite de cet événement. Alors, quelle est la responsabilité de Carrel dans ce duel entre deux députés? Il y est mêlé de très près. Dans le National, il en est question tous les jours, pendant un long moment, et dans les œuvres de Carrel, les textes consacrés à ce duel font plus de 30 pages, dont son discours aux funérailles. Voici, par exemple, ce qu'il écrit. « Monsieur le général Bugeaud s'était montré personnellement très conciliant, et dans une conversation qu'il avait bien voulu accepter avec moi, donc on voit qu'il est intervenu directement dans cette querelle des deux députés, j'avais acquis l'espérance que tout pouvait se terminer par une note qui, sans coûter le moins du monde à la dignité de M. Dulong, aurait satisfait pleinement dans M. Bugeaud l'homme privé, sans appliquer aucun désaveu de la conduite qu'il avait pu tenir comme homme public. » Et voici la version en dessous de Bugeaud dans une lettre au National, à la suite de la publication de cet article. Si donc quelqu'un peut être justement accusé d'avoir contribué à amener ce funeste événement, c'est l'ami imprudent qui aurait poussé M. Dulong à retirer la lettre qu'il avait écrite au débat. Donc, lettre d'excuse. L'ami imprudent. Ce fait et quelques autres que je ne veux pas rapporter m'ont fait penser que s'il y a eu intention d'en faire une affaire de parti, ce n'est assurément pas de notre côté, à chacun ses œuvres. Vous voyez qu'ils s'accusent, au fond, mutuellement de la mort de Dulong. Bugeaud en attribue la responsabilité à l'ami imprudent, qu'il ne nomme pas. Carrel répond, lui demande de nommer l'ami imprudent. Bon, l'ami imprudent, c'est évidemment lui-même. Et dans son discours aux funérailles de Dulong, au Père Lachaise, il évoque cette notion d'obéissance militaire qui est à l'origine de la querelle et la nécessité de soustraire, dit-il, la noble carrière d'officier aux servitudes de l'obéissance passive. C'est un moment important de cette monarchie juillet. Eh bien, là aussi, on le retrouve dans Lucien Levenne. Voici Lucien qui s'en va dîner chez les Grandet, il va courtiser la jeune Madame Grandet, et le vieux Monsieur Grandet est un fabricant juste milieu furibond. Monsieur Grandet exprima tout haut, devant 30 personnes au moins, le désir que Monsieur N, de l'opposition, mourût d'une blessure qu'il venait de recevoir dans un duel célèbre. La beauté célèbre de Madame Grandet ne put faire oublier à Lucien le dégoût profond inspiré par son mari. C'est une page de Stendhal qui est écrite en novembre 1834, donc peu après ce duel. Et vous voyez qu'il y a une querelle de responsabilité relative à la mort de ce jeune député républicain. Est-ce Carrel qui est responsable d'avoir empêché ce jeune avocat de faire des excuses? Est-ce Bugeaud? Ou pire, est-ce Louis-Philippe, selon les camps? Pour Carrel, le responsable de la mort, c'est Louis-Philippe, parce que le témoin du général Bugeaud n'est autre que le général de Rumigny, qui est l'aide de camp de Louis-Philippe, qui en plus le jour du duel, était de service au château. Et donc, il n'aurait pas dû quitter le château pour jouer le rôle de témoin au duel. Le témoin, selon Carrel, qui a provoqué le duel parce qu'il a été inconciliable, c'est le propre aide-de-camp de Louis-Philippe, qui a fait une faute disciplinaire. Et Carrel n'hésite pas à écrire que le roi était au courant, qu'il fut un provocateur de duel à mort, un tueur d'hommes invisibles. Louis-Philippe, tueur d'hommes invisibles. Et on a un récit dans ce livre très détaillé sur cette période, les 10 ans, l'histoire des 10 ans, de 10 ans de Louis Blanc, où Carrel étant là, avec Bugeaud et avec Rumigny, monsieur de Rumigny repoussa l'intervention d'Armand Carrel comme représentant de la presse opposante. Bref, vous voyez que pour Carrel, c'est Louis-Philippe qui a mis à mort ce jeune député. Et Rumigny, là aussi, c'est un personnage important. C'est celui qui, au château, tient la police parallèle, le cabinet noir. Il y a toute une réputation qui court à son sujet dans les années de la monarchie juillet. C'est cette police parallèle de Louis-Philippe qui recrute des casseurs, des provocateurs, lorsqu'il y a des manifestations républicaines. On le retrouve aussi dans Lucien Levenne, bien entendu. Le voici, ce diable de général Minirue, avec les habituels non masqués, mais bien peu masqués de Stendhal, ne pense qu'à se faire lieutenant général. Il est, comme vous le savez, chef de la police au château. Mais ce n'est pas tout, il veut être ministre de la guerre et comme tel se montre habile dans la partie la plus difficile et à vrai dire la seule difficile de ce pauvre ministère, ajouta avec mépris le grand administrateur, qui est le ministre de Lucien, le ministre de l'Intérieur, veillez à ce que trop d'intimité ne s'établisse pas entre les soldats et les citoyens. National du 18 octobre 1834, précurseur de Lyon. Stendhal est donc un lecteur fidèle de Carrel et de son national. Et cependant, maintenir entre eux les duels suivis de mort à moins de 6 par mois. Lucien le regarda. Pour toute la France, le prix, le ministre, c'est le taux arrêté dans le Conseil des ministres. Et voici l'article du National du 18 octobre 1834 qui cite le précurseur de Lyon, et c'est sur l'action de ces polices parallèles. Il y a 4 ou 5 polices dans ces débuts de la monarchie de juillet qui jouent les unes contre les autres. Il y a à Paris la police du préfet de police, Gisquet, et puis il y a la police du roi, la police qui est attachée à la maison du roi et qu'on voit figurer dans de nombreux procès de l'époque, notamment, comme je le disais, lorsqu'il y a des manifestations des républicains, c'est M. de Rumigny qui est soupçonné de recruter les contre-manifestants. Le Collège de France et France Culture vous présente Antoine Compagnon, aujourd'hui la salutaire prévoyance du duel. Que Carrel est au centre d'un de ces duels les plus importants du moment. et il s'oppose ouvertement au procureur général Dupin, quelques mois plus tard, après la mort de Dulon. Dupin, ça fait longtemps qu'il voudrait interdire ou contrôler le duel, qu'il voudrait l'assimiler à l'homicide lorsqu'il y a mort d'homme. Carrel est contre l'intervention juridique. Il écrit un article dans Le National le 15 juin 1835, c'est-à-dire juste un an avant sa mort, intitulé « Si le duel est un reste de barbarie féodale ». On emploie souvent cette expression, « barbarie » à propos du duel. Et Carrel est tout à fait favorable au maintien du duel, de la liberté du duel, comme seule protection contre la calomnie et garantie de la liberté d'expression. C'est l'argument qu'on a pu déjà voir l'an dernier, qui sera maintenu très longtemps, qui est maintenu par Cuvier, qui est maintenu par Guizot. Le duel est le corollaire indispensable de la liberté d'expression. Et voici par exemple ce que Carrel écrit dans cet article favorable au duel en juin 1835. L'abus du duel, c'est-à-dire la violation des règles que la société impose au combat singulier. Qu'est-ce que c'est les règles que la société impose au combat singulier? C'est la loyauté. Il faut que le duel soit loyal et donc suffisamment réprimé dans l'état actuel de la législation. Quant au duel lui-même, au duel en tant que protection contre ces outrages dont on n'est pas admis à demander réparation à la loi, alors qu'il y a une loi sur la diffamation que j'ai évoquée l'an dernier, le détruire est impossible. Dans une société qui jouit de la liberté de la presse et du gouvernement de discussion, donc la liberté parlementaire, la liberté de parole, il n'y a de frein aux abus de la parole et de la presse envers les personnes que dans cet état de mœurs qui permet le recours au combat singulier après certains outrages que la discussion amène et qui serait une tâche aussi bien pour celui qui les a proférés que pour celui qui les a reçus, si de telles choses pouvaient se dire ou être essuyées sans que, de part et d'autre, la vie en fût en danger. Que M. Dupin nous en croit, sans la salutaire prévoyance du duel, belle expression de cette salutaire prévoyance du duel, les adversaires politiques entre lesquels il est obligé d'interposer souvent son autorité de président ne seraient pas si faciles à gouverner. Et voilà une apologie du duel qui, au fond, n'est pas très différente de celle qu'on pourrait trouver sous d'autres plumes du moment. Ils sont nombreux à soutenir que le duel est, au fond, un acquis de la démocratie, est un corollaire indispensable de la liberté d'expression. Et on peut dire, sans doute, comme un certain nombre des amis de Carrel, que cette attitude est liée à son passé soldatesque. Voici ce qu'écrit Sainte-Beuve dans son portrait de Carrel. On a dit d'Armand Carrel qu'il n'avait pas assez oublié, en devenant publiciste, qu'il avait été sous-lieutenant. Éternel sous-lieutenant, donc. Et le fait est que sa main jetait volontiers la plume pour reprendre l'épée, de sorte que la polémique commencée dans le National se terminait en champ clos par le duel. Et un peu plus bas, « Tous ceux de mes amis, disait-il, qui, comme vous, me portent une amitié d'homme grave, m'ont blâmé de ce vieux reste des mœurs militaires qui me porte à être toujours prêt à accepter le cartel du premier venu. » Donc, Sainte-Beuve résiste à ces mœurs militaires de son ami, et la notation qu'on trouvera dans le Carnet vert, donc dans les notes intimes de Sainte-Beuve au moment de la mort de Carrel, lorsqu'il apprend la mort de Carrel, est, comme souvent chez Sainte-Beuve, assez empoisonné. Voici ce qu'il écrit. « Il est puni par où il a péché. Tous ceux qui se serviront de l'épée périront par l'épée. » C'est écrit au moment de la mort de Carrel. Il avait fondé dans les affaires de presse la jurisprudence du duel. Elle lui a été appliquée en toute rigueur. Il était de ces hommes qui ont plus d'honneur que de vertu et d'équité. C'était en somme un des plus remarquables parmi ces 1001 Napoléons manqués qui foisonnent aujourd'hui, qui n'ont pas eu l'occasion de faire la guerre. Il était surtout un excellent écrivain et d'une langue saine et ferme, aussi l'éloge funèbre de Sainte-Beuve, qu'il aurait pu appliquer à de grands sujets. Comme historien futur, c'est une perte. Ce que j'ai écrit là, il faudrait plus que du courage, c'est-à-dire il faudrait de la témérité pour l'imprimer aujourd'hui, la mémoire de Carrel étant pour longtemps encore sous la sauvegarde des épées. C'est dans le carnet intime de Sainte-Beuve, cette réflexion sur, au fond, l'éloge universel qui sera fait de Carrel à sa mort. Littré, autre intime de Carrel, est plus positif. Il a eu dans sa carrière de journaliste, dit-il, 3 duels politiques. Dès les premiers jours de l'existence du National, M. Thiers eut avec le drapeau blanc une discussion qui amena une explication et un duel. Ce fut Carrel qui se battit contre un des rédacteurs du drapeau blanc. Celui-ci fut légèrement blessé à la main d'un coup de pistolet. Quelques mots donc de ces 3 duels, 3 duels de la carrière politique de Carrel jusqu'au dernier qui le fera mourir. Le premier, c'est donc un duel avec un rédacteur du drapeau blanc, donc drapeau blanc périodique, légitimiste bien entendu, et ce rédacteur s'appelle Auguste Chauvin, et c'est à la suite d'un article qui est attribué à Carrel, en effet, voici l'exemplaire de la Bibliothèque nationale avec l'inscription Carrel, qu'on trouve donc sur la plupart de ces articles politiques politiques non signés, et on peut simplement regarder les quelques lignes provocatrices qui sont en bas de l'article. Beaucoup de questions se décideraient par le sabre, et cela sans doute ne ferait pas longtemps le compte du drapeau blanc. Donc il est prêt à trancher par le sabre le différend avec le drapeau blanc. Il regretterait vite ces heureuses disputes de plumes, ces fanfaronnades de pupitres qui ne font pas couler le sang, et pour notre part, nous lui conseillons fort de s'en tenir là. Donc c'est une dispute avec un ton qui monte rapidement, et voici ce que répond le drapeau blanc. Ce sont des articles offensants, et le ton monte entre ces tout jeunes gens. Voici ce que répond le drapeau blanc 2 jours plus tard, le 21 janvier 1830. Quant au National, vu que le National est tout jeune, il a commencé au début du mois de janvier. Quant au National, on ne sait que penser du ton important qu'il affecte. D'où viennent donc ces petits jeunes gens? Oh mon Dieu, la France les connaît-elle? Allons, allons, Monsieur Thiers, pas d'orgueil. Monsieur Carrel, n'oubliez pas qui vous êtes. Et Monsieur Mignet, songez que vous travaillez au National qui paraît depuis 15 jours. Quand on n'a pas 60 abonnés, il ne faut pas faire les fous et les superbes. Quand on demande un peu à 32 millions de Français quel génie est Monsieur Carrel, et ils vous demanderont à leur tour ce que c'est que ce Monsieur Carrel. Quel esprit est Monsieur Mignet? Ils voudront savoir ce que c'est que ce Monsieur Mignet. Quel talent possède Monsieur Thiers? Et ils vous diront que ce nom leur est totalement inconnu. Le National prétend être la France elle-même. Ô pauvre nation française, à quel degré d'abaissement en es-tu venu? À la suite de quoi? Eh bien, le duel a lieu entre Auguste Chauvin, rédacteur du drapeau blanc, et Armand Carrel du National, et on trouve un compte-rendu de ce duel qui est strictement le même dans les deux journaux le 25 janvier. Une rencontre a eu lieu ce matin entre un des rédacteurs du National et un des rédacteurs du drapeau blanc. Le rédacteur du drapeau blanc a été légèrement blessé. C'était une rencontre au pistolet. Voici pour ce premier duel, vu que c'est un duel d'honneur entre ces deux rédacteurs. Le second duel de Carrel a lieu le 2 février 1833. C'est un moment intéressant, le 2 février 1833, c'est le moment où de la rumeur de la grossesse de la duchesse de Berry, qui est emprisonnée à la citadelle de Blaye sous la garde du général Bugeaud. La rumeur de sa maladie se répand à Paris et cela provoque une épidémie de duels entre républicains et carlistes. Et Carrel sera blessé gravement dans le contexte de la grossesse de la duchesse de Berry. Cette vague de duels est très intéressante parce qu'elle montre comment le régime est incapable de maîtriser cette bataille rangée entre les deux camps de ses opposants. C'est un symptôme de l'instabilité des débuts du régime. C'est peu après l'insurrection républicaine de juin 1832. Et cet épisode est très longuement raconté par Alexandre Dumas dans ses mémoires. Le chapitre est intitulé « Les duels politiques » et il entre dans le détail de cette flambée de duels de février 1833. Je le cite, « Le corsaire, donc un journal républicain, laissa supposer que l'indisposition de Madame la Duchesse de Berry pouvait bien être une grossesse. Le lendemain, un jeune carliste, M. Barbeau de la Trésorière, se présenta dans les bureaux du journal pour appeler en duel l'auteur de l'article ou, à son défaut, le gérant responsable. » Vous voyez qu'il suffit à un carliste de se présenter au journal pour qu'un duel ait lieu. Un duel a lieu le 29 janvier 1833. Un rédacteur du Corsaire est blessé grièvement. À la suite de ce duel, il y a une escalade des journaux. Le Revenant, qui est un petit journal qui avait été acheté par la duchesse de Berry, et la Quotidienne, du côté carliste, contre la Tribune et le National, les journaux républicains. La Tribune, le journal plus radical, et les Républicains, le journal plus modéré. Et voici ce que Carrel écrit le 31 janvier, qui est une provocation au duel. Le parti carliste prend un fort mauvais moyen d'obtenir la bienveillance de la presse patriote pour la prisonnière de Blaye. Il suffirait qu'on voulût nous imposer silence. Il prend ça comme une menace de censure. Si l'on parle de la duchesse de Berry, eh bien, on vous envoie une épée, et une épée très, très, très compétente. Prend un mauvais moyen d'obtenir la bienveillance de la presse patriote pour la prisonnière de Blaye. Il suffirait qu'on voulût nous imposer silence sur des particularités scandaleuses qui sont ou ne sont pas, mais dont on parle enfin, pour que nous nous crussions obligés d'insister sur ces on-dit que nos habitudes nous portent à négliger, et certainement nous reconnaîtrions à ces messieurs, en aussi grand nombre qu'il leur plairait, le droit de signaler contre nous leur dévouement à la personne de la duchesse de Berry. Ils trouveraient à notre bureau une fort longue liste de gens disposés à leur offrir toutes les occasions de se distinguer qu'ils peuvent désirer. Donc Carrel considère que c'est une censure que les légitimistes sont en train d'essayer d'imposer par ces menaces de duel, et il provoque les légitimistes, à la suite de quoi une liste de notabilités légitimistes lui est présentée au National, et à la condition qu'un seul nom y soit choisi. Et Carrel tire au sort un des 12 noms de carliste. Le nom qui sort du chapeau, c'est celui d'un rédacteur du Revenant, intitulé Anatole Roux Laborie, avec lequel il se bat le 2 février 1833 à la barrière de Clichy. Et voici le compte-rendu dans ce Revenant. Hier matin, messieurs Armand Carrel, rédacteur en chef du National, et M. Laborie, l'un des rédacteurs du Revenant, se sont rencontrés. Alors, se sont rencontrés, on avait vu l'an dernier, c'est la casuistique qui veut qu'on se rencontre. c'est le fruit du hasard et le duel a lieu. Se sont rencontrés. Le combat a eu lieu à l'épée et au bout de 2 minutes d'une lutte acharnée, messieurs Carrel et Laborie ont été mutuellement atteints et mis hors de combat. Avant la rencontre, les témoins de monsieur Laborie ont cherché à empêcher ce funeste combat. Le parti royaliste n'a jamais rencontré en monsieur Carrel qu'un ennemi loyal et généreux. Et on est dans le contexte de cette générosité et loyauté. Nous regrettons donc cette fâcheuse collision. Voilà les deux camps en deuil. Alors Carrel a été en vérité assez grièvement blessé d'un coup d'épée à l'aine qui lui a traversé le foie. Et Dumas rapporte que Paris tout entier alla s'inscrire chez Carrel. Au nombre des 20 premiers noms portés sur la liste, on lisait ceux de Lafayette, Chateaubriand, Béranger, Thiers et Dupin. Dupin, le procureur, qui tente de faire régner l'ordre contre le duel. On le croit mortellement atteint et le revenant note ce détail très intéressant. Monsieur Carrel, ayant été informé que Monsieur Thiers venait d'envoyer son secrétaire pour avoir de ses nouvelles, son vieil ami Thiers, qui maintenant est ministre, a insisté pour qu'on l'introduisît près de lui, malgré la défense formelle des médecins. Dès que Monsieur Martin, le secrétaire, fut près de son lit, on entendit Monsieur Carrel le charger de témoigner à Monsieur Thiers toute son indignation de ce qu'on avait voulu arrêter son adversaire et de demander que le ministre, qui se disait son ancien ami, s'employât près de ses collègues et même près du roi pour prévenir d'aussi odieuses mesures. Pourquoi a-t-on voulu arrêter son adversaire ? Parce que le préfet de police Gisquet, a décidé que pour arrêter cette guerre, il fallait arrêter tout le monde. Le plus simple était d'arrêter tout le monde, et c'est ce qu'il a fait. Il y a donc eu une série d'arrestations préventives. Voici qu'on les trouve dans le revenant. Aujourd'hui, à 6h30 du matin, on est venu faire une visite domiciliaire dans les bureaux du revenant et on a saisi les papiers. Un mandat d'arrêt a été lancé contre le directeur, un autre mandat d'arrêt contre M. Laborie. Bon, c'est la solution trouvée par le préfet, l'arrestation préventive à la suite de ce combat avant que l'escalade de duel n'enflamme Paris. Ils sont tous arrêtés au motif de excitation au meurtre et à la guerre civile. Et voici comment Gisquet le justifie dans ses mémoires. Le pouvoir ne saurait demeurer spectateur quand des citoyens sont prêts à s'égorger. J'interviens dans le débat, non pas pour attester ou démentir les bruits, puisque le gouvernement ne voulait pas prendre l'initiative de la révélation, de la grossesse, mais pour m'opposer aux voies de fait. De nombreux mandats sont lancés contre les provocateurs, dont plusieurs vont attendre en prison les résultats de l'instruction judiciaire. Et Sainte-Pélagie, vous voyez, régulièrement remplie de cette façon. Suite déplorable de l'exaltation, c'est le pacificateur qui devient victime de ses bonnes intentions, puisqu'il est critiqué pour cette mesure. Alors c'est un épisode assez curieux des débuts de la monarchie de Juillet que celui-ci, une des périodes les plus fiévreuses, et qui mena à un rapprochement du parti carliste et des républicains dans l'estime réciproque. C'est l'estime que l'on se donne entre ennemis. Carrel étant rendu indisponible par cette blessure grave, eh bien, c'est Sainte-Beuve qui, à ce moment-là, écrit l'article politique dans le National. Dans le cahier brun, Sainte-Beuve rappelle que, je le cite, « l'article du National, au lendemain de la blessure de Carrel dans son duel avec Laborie, article qui fut accepté également de la Tribune et qui parut à la fois dans les deux journaux et de moi. » Voici les articles de Sainte-Beuve. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un Sainte-Beuve très violent, très guerrier que celui-là. En tout cas, l'informateur de l'exemplaire de La Nationale attribue bien à Sainte-Beuve cet article au lendemain de la blessure de Carrel, et également celui-ci, vous voyez, le 4 février, c'est Sainte-Beuve qui, dans ses journées de février 1833, mène le combat contre les carlistes, hein, ce dont il s'en voudra par la suite lorsqu'il aura quitté cette conviction républicaine. Carrel aurait pu être assagi par cette expérience très dangereuse, hein, puisqu'il a été très grièvement blessé. Et voici la lettre qu'il écrit à des amis à la suite de cette blessure. Hein. « Tous ceux de mes amis qui, comme vous, me portent une amitié d'homme grave, m'ont blâmé de ce vieux reste des mœurs militaires qui me porte à être toujours prêt à accepter le cartel du premier venu. Je ne dirai pas que l'accident qui m'est arrivé m'a fait sentir le mauvais côté de cette humeur de raffiné, mais les témoignages nombreux, et je puis dire inattendus que cet accident m'a valu, m'ont appris que ma vie de jeune homme est finie, qu'il ne m'est plus permis de disposer de moi aussi légèrement que je l'ai pu faire jusqu'ici. Désormais, je ne serai plus qu'un homme de discussion. Il est bien évident que mes amis politiques me trouvent trop maladroit comme spadassin et ne me permettent plus d'autre arme que la plume. Je me résigne à cette sentence de l'opinion, et ce n'est pas, je vous jure, sans regretter beaucoup, ma vieille réputation de bon tireur. » Cela semble, sage, cette attitude exprimée par Carrel à la suite de ce second duel politique. Ben, il y en aura pourtant un troisième, le 22 juillet 1836, avec Émile de Girardin, et c'est un duel qui lui sera fatal, après une longue agonie, et c'est un duel qui eut d'immenses retentissements pendant longtemps, puisqu'il y aura un pèlerinage à la tombe de Carrel au cimetière de Saint-Mandé, pèlerinage républicain, l'occasion d'un rassemblement républicain. C'était les cours du Collège de France les 13 et 20 février 2018. Vous venez d'écouter le cours d'Antoine Compagnon. Aujourd'hui, la salutaire prévoyance du duel. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Antoine Compagnon. Son dernier livre, Les Chiffonniers de Paris, est publié chez Gallimard en 2017. Je rappelle également les très belles pages de Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe sur Carrel, livre 43e, chapitre 4. Un grand merci à Anise Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sacheret, présentation Mérine Meneghetti. Demain, nous achèverons aux côtés d'Antoine Compagnon l'évocation du grand journaliste politique Armand Carrel et il sera question du troisième duel politique. Et nous porterons notre regard sur un nouveau soldat de la guerre littéraire, Granier de Cassagnac. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.